La chaîne s'est zombifiée, y'a que du rediffusé. Je sors de mon canapé pour aller sur mon PC. Je vois les commentaires sur Twitter, j'ai une envie de bailler. C'est la dernière diffusion, c'est la dernière transmission. Il n'y aura plus que du rediffusé. Le logo qui disparaît peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'une petite chaîne de télé. Elle va finir comme la 5, peut-être qu'elle sera pas oubliée. C'est fini, c'est pour de bon, c'est la dernière diffusion. Il n'y aura plus que du rediffusé. Bye bye, émission que j'aimais, ma tag qui dénait. Bye bye, rendez-vous sur le net, à ces trucs japonais. J'avais enfin mon bac pro. À 4 heures j'étais sorti, je rentrais en scooter chez moi. À la TV y'avait Marcus et tout un groupe de bons gars. 11 ans plus tard ça paraît long, c'est la dernière diffusion. Y'aura plus que du rediffusé. Bye bye, émission que j'aimais, ma tague qui t'aidait. Bye bye, rendez-vous sur le net, à ces trucs japonais. Bonnet, dans ma petite télé, le silence faisait trop chier. Il reste plus que j'y vois pour ne pas les oublier. Mais que va devenir l'équipe? Ont-ils y déménagé? C'est la dernière diffusion, c'est la dernière transmission. Il n'y aura plus que du relief.